Bonsoir, bienvenue au Cirque Aquatique Magique. En votre compagnie, François G. Couillard. Vous savez, il y a des clichés en radio, hein? Dire toujours les mêmes affaires en intro, par exemple, ça, c'est une très, très, très mauvaise habitude. Alors, je travaille là-dessus. Et à chaque année, environ à cette date-là, il y a la boîte de disques qui s'appelle Poulet Neige qui sort une série d'albums gratuitement. Ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent une liste d'albums. Il y en a vraiment beaucoup, là, peut-être une centaine. Et puis, ils disent, inscrivez-vous, rentrez votre courriel et vous aurez tous ces albums-là gratuitement par courriel. Alors, qu'est-ce qu'il fait François chaque année? Il s'inscrit. Puis il télécharge tout ce qui se trouve dessus. Alors, je vais justement vous faire une émission spéciale Poulet Neige. Et on va écouter ce qu'ils ont sorti cette année. C'est quand même intéressant. Toutes sortes de choses. Léopold Z. J'ai perdu ma liste. Radio. Direct. Communautaire. Alors, des groupes québécois comme Coyote Bill, Léopold Z, Massicotte et ses tounes, Charlie Foxtrot, Tiny Thomas. Alors, vous allez tous découvrir ça aujourd'hui. Toutes et tous, vous êtes au Cirque Aquatique Magique. Tout le monde s'en fout. s'en soumet aux roses abris. Tout le monde songe à son ombril. Tout le monde est drôle. Tout le monde se fout que la femme et l'homme n'est que le passé comme un salut. Et tout le monde se fout du cadavre chaud qui parfume ton lit comme un tombeau. Les fleurs sont nues. Tout le monde s'en fout. Tout le monde se fout que tu sois mal pris. Tout le monde se fout de tes tourments et de la croix souillée de sueur de sang jusqu'aux plages d'Indonésie. Tout le monde se fout que tout se meurt. Regarde bien tous ceux qui pleurent de la genoux. Bon, tout le monde se fout. Tout le monde s'en fout. Lèche-moi la chatte. Oh. Oh. J'écarte les cuisses pour toi, mon chéri. Oh, oh oui, lèche-moi dans la fente. Oh, oh c'est bien. Oh, t'as une chatte. J'aime tes lèvres fines et rouges. Oh oui, lèche-moi. Oh, oh suce-moi le clitoris. Je sens ta langue qui me fouille entre les cuisses. Oh, c'est bon. Oh oui. Oh oui. Cette vieille est déjà beaucoup trop connue. Ah, ben je pense que oui. La nymphette sexagène, elle a retiré tous ses réels. Ça lui coûte de la peau des fesses pour avoir l'air d'une jeune déesse. Thank you. belle. Micro greffé. Sourire flambant. Pommette saillante. Menton luisant. Nez retroussé. Tout le monde en parle sur le plateau. Mais dites-moi qui est cet Adonis. Gonflé par ses faux pectoraux. Oh, oui, oui. Non, ça se peut pas. C'est pas le petit vieux qu'on a découvert. Poursuivre. Mais écoute, c'est parce que... En tout cas... Oh, tu as une grosse bite. Oh, c'est bon que sentir ta queue manger dans ma bouche. Tu veux que je te caresse les couilles, hein? Oh, elles sont bien gonflées. Pine-moi la bouche et baise-moi la bouche comme tu baises le con. Oh! Cirque aquatique magique. Non, je n'ai pas peur de me faire pogner par les bœufs. Parce qu'on vient d'entendre des chansons gratuites pognées sur le site de Poulet Neige. Probablement qu'on peut encore le trouver sur Internet, là. Probablement. C'était des cadeaux de Noël de Poulet Neige. Et on a entendu Martel Solo qui faisait pas peur, là. Martel Solo qui est propos social. Il a aussi fait une chanson sur son album qui s'appelle Au sang. Et dans son refrain, il fait un splendide jeu de mots en disant Au 100%. Oh là là là là. Et on a aussi entendu l'incroyable Léopold Z qui faisait la nymphette sexagénaire. Et Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Vous aurez sans doute remarqué l'air de la fameuse chanson de Leonard Cohen, auteur, compositeur, interprète montréalais. La chanson qu'on connaît d'habitude, c'est interprétée par M. Cohen, c'est Everybody Knows. Je pense que c'était comme une tradition québécoise. Intéressant. Léopold Z, qui est un groupe d'excentriques. Comme si Louise Attaque s'était inspirée des colocs et avait engagé le guitariste de Tom Waits afin de tremper le tout dans une atmosphère carnavalesque d'une étrangeté vaguement glauque. Ça, c'est Marc-André Mongrain de Sortu.ca qui a dit ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose de glauque un peu avec Léopold Z. Et là, si, sur leur site web, leopoldz.com, je vois qu'ils se sont associés avec un groupe qui s'appelle les Villaines. C'est un jeu de mots. Et ce groupe-là s'est amusé à enjoliver les alentours de l'organisme Cactus qui aide les consommateurs de drogue. Alors, à Montréal, donc c'est intéressant. Propos. Encore une fois, un propos social! Et on aime ça au Cirque Aquatique Magique. Oh oui, on aime ça! J'espère que vous aimez ça aussi, là, parce que je fais ça pour un peu pour vous. Dirigeons-nous maintenant vers un bloc un peu plus rock. On commence avec les Chelsea Beat. Alors ça, c'est drôle quand il y a des groupes francophones qui chantent en anglais. C'est comme les Hellcats. Au lieu de dire « The Hellcats », ils disent « Les Hellcats ». C'est très bon. Alors, les Chelsea Beat vont faire Taj Mahal noir et on se dirige vers un bloc rock garage. We'll be right back.

Laisse-moi te respirer pour une dernière fois. Ton odeur m'envahir et me couper la voix. Le groupe Ponctuation. Groupe de Québec sur à l'antenne de CKIA 88.3. On a entendu la chanson Belvédère, précédée par Ta langue sur mes lèvres. Et on a entendu le groupe Le Chelsea Beat. Le Chelsea Beat qui faisait Taj Mahal noir. Que dire sur ces groupes qui ont tous été découverts sur les albums rendus gratuitement par la boîte Poulet Neige? Eh bien, disons quelques mots sur Ponctuation. Donc, selon leur description sur leur site web, c'est deux frères ébouriffiés par le rock garage inspiré par l'effervescence des années 60. Vous avez reconnu la musique rock psychédélique, lo-fi. Et ils ont enregistré leur premier EP en 2011 sur une cassette. Oh que oui. Et leur deuxième album, celui que vous venez d'entendre, deux pièces, qui s'intitule Lèche vitrine, est sorti sur vinyle. Et oui. Donc plus on avance, plus on recule. Bravo les gars. Ponctuation à écrire en majuscule, s'il vous plaît, exactement comme le groupe marxiste-léniniste En lutte. À défaut de mettre un K, mettez votre nom en majuscule. Et vous aurez du succès. Et on a entendu le Chelsea Beat. Qu'est-ce que c'est? Groupe montréalais, encore une fois du rock garage expressif. En 2012, en septembre, ils ont été en nomination pour le Gala alternatif de musique indépendante du Québec, le GAMIC. Ils étaient aux côtés des Dale Hawerchuk, de Mon Oncle Serge, de Jean Leloup pour l'album rock de l'année, ce qui n'est pas rien. Toujours en compagnie de François Gécouillard pour l'émission Le Cirque Aquatique Magique. On va changer complètement de beat, hein, à l'habitude de ce que l'on a. On va l'écouter. Ça va rester encore énergique. On se dirige vers l'afrobeat cette fois-ci avec un groupe qui s'intitule... Non, c'est pas ça pantoute. C'est pas pantoute du afrobeat. Oh canon! Ah oui, ça va être du afrobeat. C'est live! Le groupe s'intitule Coyote Bill. Et on va commencer avec une tome qui rock pas mal, à peu près. Merci. Qui s'intitule Les Martiens. On lève le son, on danse les meubles et on s'apprête à danser. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année. Oui. Qu'est-ce qu'on va dire? Beaucoup d'arrangements, puis je voudrais bien que tout le monde soit heureux. Merci beaucoup. Au revoir. Coyote Bill! Hey, ça sonnait-tu pas à peu près un peu, ça? Oh que oui! On a entendu la pièce L'hélicoptère, Les Martiens et... C'est pas mal ça! Coyote Bill, un groupe montréalais, toujours des pièces tirées des albums Gretis fournis par Poulet Neige, la compilation de Noël. Je sais pas, je pense que c'est peut-être possible encore de télécharger de sur Internet. Tapez Poulet Neige dedans Google. Coyote Bill. 1000 riffs de guitare au fil du rasoir d'Olivier Bellil, qui hache menu les syncopes démentielles de Benjamin Vigneault. Autour d'eux, des instrumentistes fous, dont Charles Papassoff. Ok, là, que oui. Autour d'eux, des caméos fous de Gilles Vigneault, Leloup, Fred Fortin, Marcel Sabourin. Groove de tous les instants et funk fou braque. Bon, on n'a pas entendu de sampling de Gilles Vigneault, mais c'était quand même intéressant. On a entendu des... c'était spécial, c'était bizarre. C'était, je pense qu'il y avait même du thérémine dans la première pièce, mais c'était peut-être juste de l'orgue, du clavier. Avec le clavier maintenant en 2012, maintenant 2013, on peut tout faire. Toutes les sons de l'univers dedans quelques touches de clavier. Toujours dans ce spécial Poule à neige, on continue. Pourquoi pas un petit peu de country? On va y aller avec Massicotte, tiré d'un album qui s'appelle Massicotte et ses tunes. On commence avec Sur les routes de l'Ontario. Un matin que je t'aimais, qu'il faisait beau. En me réveillant, j'ai allumé la radio. À Toronto, y'a un bon show, mets des sandwichs dans le sac à dos. On s'en va sur les routes de l'Ontario. Dans ta minoune qui sentait la gasoline. En avançant, j'avais peur que tombe en ruine. Et toi et moi, on the go, on était jeunes, on était beaux. Tous les deux sur les routes de l'Ontario. On s'est arrêté dans le bout de Kingston pour acheter des cassettes de Led Zeppelin, des Beatles de CCR. On a fumé un pétard, on l'a roulé sur les routes de l'Ontario. Sur le chemin, pas de chance, une crevaison. Le pneu de rechange n'avait pas la forme de rond. On l'a posé les doigts croisés en espérant que c'était assez pour rouler sur les routes de l'Ontario. Je m'étais trompé. Le fameux show, ça faisait deux jours qu'il était passé. On est allé au restaurant, il prenait que l'argent comptant. Sur le bord d'une route de l'Ontario. Ce souvenir, ça fait des années qu'il est passé. Toi ma jolie, déjà longtemps que tu m'as quitté. De toi, il me reste une photo. On était jeunes, on était beaux. Tous les deux sur les routes de l'Ontario. Tous les deux sur les routes de l'Ontario. On s'est aimés sur la route de Toronto. Dites-moi, à part ça, vous faites l'amour avec quoi? Un mode d'emploi? Une posologie du genre « ne pas dépasser la dose prescrite » Ne soyez pas confus, vous me donneriez des vapeurs. Tais-toi et viens. Viens. Deux, trois, quatre. fait juste pour le faire sans être jusque là. C'est toujours la même histoire. Deux, trois, quatre. Entendre deux pièces de Massicotte, Cowboy de ville, armé de sa guitare et de sa plume. Massicotte dégaine des chansons drôles et douloureuses à la fois. Hein, country oblige, il faut pas nécessairement que ça s'aille drôle, mais faut que ça s'aille triste. Oui. Oh, que oui! Auteur-compositeur de Salaberry de Valleyfield. Et les gens qui viennent de là ont dit les Campi Valleyciens. Ok, oui. Et on a entendu la douce voix de Marie Marine sur la chanson Sur les routes de l'Ontario. Marie Marine qui se trouve à être la fille de Raymond Lévesque, l'auteur québécois. Et parlant de la fille de... Ah, c'est toujours plate pour un artiste de se faire dire qu'elle est la fille de... C'est comme Charlotte Gainsbourg, elle a un peu de cette année, de se faire dire qu'elle est la fille de... On va aller écouter une pièce de la fille de Régis Labeaume. Pourquoi pas? On sort vraiment de Poulet Neige. On va écouter une pièce du groupe Short Pant Romance. Et après ça, on va écouter encore un peu plus de Poulet Neige. C'est parti! Boys and Bells, Short Pants Romance.

Et c'est déjà tout pour l'émission Le Cirque Aquatique Magique. On vient d'entendre Charlie Foxtrot qui faisait Par un public cible et Short Pant Romance qui faisait Boys and Bells. Et on se laisse là-dessus. Et vous pouvez écouter cette émission ainsi que toutes les autres sur jeunefou.blogspot.com. À la semaine prochaine.